c'est belle, c'est sexy, sa démarche mec, c'est elle est voluptueuse comme les femmes du Mexique. Elle est dans mon radar, sur elle j'ai flashé, provoque des bagarres, je suis très faux que vous le sachiez. Mais je suis pas très bavard, j'hésite à la tchatcher. Je ne crois pas au hasard, entre nous ça va marcher. Chica, t'as mis beaucoup dans ma terre et ça avec la manière. Mais je suis pas comme cela, dis-moi, comment puis-je te conquérir, que mon cœur puisse en guérir. Un refus ferait trop mal, j'aime autant devoir en mourir. Car vivre sans ton sourire, ou juste un de tes soupirs, c'est comme me prendre une balle. Ce revolver, man, la mise, c'est trop canon. Pardon, c'est pas un missile, c'est un avion. Je vais tout tenter, amuser la santé. Je me suis pas présenté, c'est dit, ils sont chantés. Et ta gang, comment je te veux. Et ta gang, comment m'ébiffer. Et ta gang, comment je te veux. Et ta gang, comment m'ébiffer. Où fais pas ça. Je te veux. Puis dans un rêve. Je l'ai poursuivi sans relâche. Cette obsession que j'ai pour elle veut pas me lâcher. Elle a perforé mon corps à la calache. À présent mon cœur nul ne peut l'arracher. Je suis pas parfait, mais je suis avec Dieu. Laisse-moi ma chance, moi je prendrai soin. Avec moi je te promets, oui, on ira loin. Je suis pas un player, mais je veux marquer des points. Si tes mecs t'ont blessé, avec moi plus besoin d'encaisser. Non je vais pas laisser ça se reproduire, je t'assure je suis pas pressé. Mais je t'en prie laisse-moi un essai. Tu vas cesser de les faire dormir. Oui je te parle de tes sentiments. Dans ton regard, je sens que tu mens. T'es sur tes gardes, je trouve ça fascinant. Ton cœur te dit oui, t'as raison, dis non. Et ta dent, comment je te veux. Et ta dent, comment m'ébiffer. Et ta dent, comment je te veux. Et ta dent, comment m'ébiffer. Ou fais pas ça comme je t'aime. Ou fais pas ça comme je te veux. Ou fais pas ça comme je t'aime. Ou fais pas ça comme je te veux. C'est la femme de mes rêves. C'est la femme de mes rêves. Celle grâce à qui tous mes cauchemars s'achèvent. Rester avec elle toute ma vie sans trêve. Mais c'est impossible, l'utopie est trop brève. Et ta dent, comment je te veux. Et ta dent, comment m'ébiffer. Et ta dent, comment je te veux. Et ta dent, comment m'ébiffer. Coupez pas ça.